Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h. Cette semaine, Vivre avec la mort, une série de Virginie Bloch-Lenné réalisée par Clotilde Pivin. Au départ de cette série, il y a la grande peur métaphysique, l'inconnu pour toujours, des souvenirs d'enterrement sous la bruine et des corps étendus pourtant si familiers et devenus étrangers. Il y a aussi des morts incongrues en plein été et ces étranges cortèges de cimetières, denses ou parfois si clairsemés, où l'on marche en se taisant les yeux gonflés et le sourire triste. Alors pour commencer, les personnages. La voix de Paul Faure, un historien qui fait le point, un conservateur de cimetière, un maître de cérémonie, un responsable de pompes funèbres, une autrice et ses momies et une historienne des tombes. Ensuite, le décor. L'enterrement d'Oscar Wilde, des tabous qui vont et qui viennent, le cimetière de Montmartre, des modes liturgiques, des cendres sur orbite, l'enterrement de Léon Blum, du tourisme, de l'hygiénisme, la voix de Robert Sabatier, des cimetières trop remplis, des incinérations et des exhumations. Aujourd'hui, deuxième épisode, le cimetière est désert. Enterrer ses morts au cimetière. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Dois-je déjà vous dire que son enterrement ne fut pas, à mes yeux, très satisfaisant. Ceux qui l'avaient aimé... Paul Faure, 1953. Des littérateurs, dont un grand, André Gide. Je ne l'attaque pas, mon André Gide, bien sûr que non, mais enfin, il brillait par une absence absolue. C'est qu'il était très discuté, même dans le monde des lettres, où quelquefois, il y a une vague de bravoure, et quelquefois une vague, sinon de lâcheté, n'est-ce pas, de prudence bourgeoise, là, je pense. Il y avait son ami Ross, Robert Ross, venu d'Angleterre, et Lord Douglas. Ça nous faisait un contingent de 2 ans complet. Et quand nous sommes partis vers le cimetière, nous étions 13. Et quand nous sommes arrivés à Bagneux, à travers une petite pluie battante, nous n'étions plus que 6. Il est arrivé une chose tragique, là, sur quoi nous ne comptions pas et qui était un peu héroïque-comique, plutôt. Lord Douglas prit de sanglots lorsque on déposa au fond de sa tombe, de sa fosse, Oscar Wilde. Il s'est jeté dedans. C'était très embarrassant, très ennuyeux, très bizarre. Nous avons cru d'abord qu'il avait glissé, mais pas du tout. Il s'est jeté sanglotant et faisant une sorte de Christ tombé, une croix sur le... Je lui ai repris la main, ainsi qu'un des fossoyeurs, et puis on nous a tirés par derrière, et enfin nous l'avons lui tiré tout boueux, et pendant il était assez, comme je le dis souvent, par des gens qui sont extrêmement élégants, il était un peu cigare de luxe, n'est-ce pas, et il était bien abîmé. Quand nous repartîmes, nous n'étions plus que ma femme, Madame Meryl, lui, le boue, Douglas, Robert Ross et moi. Had to get the train from Potsdamer Platz. Nous sommes en bas de la butte Montmartre. Nous sommes sur les anciennes carrières en fait qui existaient avant la création du cimetière et donc obligatoirement. L'aspect du cimetière a suivi le vallonnement. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai appris il n'y a pas très très longtemps, donc je vais vous en faire part également. La station Blanche s'appelle Blanche en lien avec les anciennes carrières qui existaient auparavant ici. Même quel tableau feriez-vous, Guillaume Cuchet, de nos attitudes devant la mort, à nous, Français, de 2018? Vous savez qu'en France, il y a eu une grande mode de l'histoire de la mort, avec des grands historiens, Philippe Ariès, qui a un peu lancé le mouvement à la fin des années 60, Michel Vauvel, Pierre Chenu, François Lebrun, Louis-Vincent Thomas comme anthropologue. Bon, il y a toute une série de productions très nombreuses dans les années 70, début des années 80, et on s'aperçoit rétrospectivement que toute cette littérature savante était en soi un symptôme de la transition funéraire dans laquelle on était embarqué, c'est-à-dire de la première phase de cette transition funéraire qui était la plus destructive de l'ancienne culture de la mort, c'est-à-dire culture religieuse ou culture laïque, qui avait vraiment mis la question de la mort au centre de la culture collective, et qui était en train de devenir marginale ou périphérique, et c'est la grande époque où on s'est mis à parler du tabou de la mort. Et au même moment, d'ailleurs, on se mettait à parler du sexe. Donc on a dit, oulala, mais il y a deux tabous qui se croisent, il y en a un qui se détabouise, c'est le sexe, c'est la révolution sexuelle des années 60-70, et puis il y en a un nouveau qui s'installe dans la culture, c'est la mort. On en parlait beaucoup, on n'en parle plus, et inversement, le sexe a pris sa place dans la culture contemporaine. Et aujourd'hui, on voit bien que nos contemporains cherchent à réinventer quelque chose, en quelque sorte, pour occuper le vide laissé par ce reflux. Il y a quand même énormément de discussions sur la crémation, il y a énormément de discussions sur la fin de vie. On parle moins des morts, mais on parle beaucoup des mourants. Donc, on sent bien que, à mon avis, on est dans une phase plutôt de reconstruction culturelle dans le domaine du rapport à la mort. Il est 11h du matin et nous sommes au Mont-Valérien, en présence de Monsieur Henri Tedjen, représentant le gouvernement, et Monsieur Henri Freinet, ancien ministre des prisonniers et déportés. Les anciens du groupe Combat viennent rendre hommage à ceux qui sont inhumés dans la crypte du Mont-Valérien. Une gerbe a été déposée au pied de la crypte qui est complètement enneigée et qui revêt un caractère particulièrement triste. Les anciens chefs du groupe ont pénétré à l'intérieur de la crypte pour saluer les cercueils qui sont décorés de bleu, blanc, rouge. Une compagnie d'honneur présente les armes et M. Henri Freinet prend la parole. Mes camarades de combat, c'est en ce haut lieu où furent exécutés tant des nôtres, où reposent maintenant ces morts, qui symbolisent tous nos morts. Pascal Cassandreau, vous êtes conservateur. Absolument. D'où vient ce mot ? Il a toujours existé ? Alors, mot conservateur, à ma connaissance, a toujours existé. Il vient tout simplement du fait que nous sommes ici, en fait, pour conserver, avoir en mémoire l'ensemble des opérations funéraires qui se passent sur nos sites. Alors, je suis donc le conservateur du cimetière de Montmartre, qui gère également le cimetière des Batignolles, le cimetière Saint-Vincent et le cimetière du Calvaire. Donc je suis accompagné du responsable de l'entretien général, M. Loïc Bianco, et de la responsable de la surveillance qui partage son temps entre le cimetière du Père-Lachaise et le cimetière de Montmartre, qui est Mme Déborah Primo. Bonjour. Un cimetière, la nuit, c'est gardé, c'est surveillé ? Oui, effectivement, tous les cimetières parisiens sont gardés par des gardiens qui sont logés sur place et qui peuvent intervenir en cas de besoin. Vous habitez... Absolument pas. Non, moi j'ai choisi de ne pas habiter dans un cimetière. Vous avez eu une formation avant de prendre votre poste. Pour devenir conservateur d'un cimetière parisien, on doit passer une habilitation funéraire. C'est une formation qui dure un mois et demi, qui est nationale, et où on apprend aussi toutes les bases du métier. On n'est pas non plus, on n'arrive pas comme ça sans ne rien connaître du tout à gérer des cimetières. Vous assistez, vous, parfois aux enterrements ou... J'essaye autant que faire se peut, oui. Oui, parce que ça me semble important. Quand on gère des équipes, il me semble important d'être avec eux sur le terrain, de voir comment ils travaillent, dans quelles conditions et comment on pourrait améliorer le service rendu aux Parisiens et aux Parisiennes. Jadis les parents des morts vous mettaient dans le bain, de bonne grâce, ils en faisaient profiter les copains. Il y a un mort à la maison si le cœur vous en dit. Venez le pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années, des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, corbillards, corbillards, corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabés, macabés, macabés, macabés ronds et prospères. Que faites-vous, Franck Vasseur, lors d'une cérémonie civile que vous ne faites pas lorsque l'enterrement est assorti d'une cérémonie religieuse? Lorsque la cérémonie est civile, on remplace le prêtre, principalement, puisqu'on n'a pas de fil conducteur, on n'a pas de personne qui va organiser, qui va prendre la parole, qui va... Le fil rouge, on l'a pas. Donc, c'est à nous de créer ce moment. Donc, l'idée, c'est que on puisse se rassembler avant les obsèques. Donc, d'avoir un temps de préparation ensemble pour pouvoir préparer un fil conducteur pour la cérémonie. Et nous, on est là pour orchestrer. On est un peu comme un chef d'orchestre ou c'est comme une pièce de théâtre que l'on prépare. On a 3 jours pour la préparer. On n'a pas de répétition. On connaît pas trop les acteurs. On connaît à peu près le lieu, puisqu'on sait que ça va se passer soit dans un cimetière, soit au crématorium, lorsque ça se passe au crématorium, ou parfois on va trouver des lieux un petit peu atypiques, on va chercher des salles de spectacle, ou on a fait ça dans des théâtres, on a fait ça sur un bateau, sur une péniche, on a fait tout un voyage sur la Seine, donc avec un temps d'embarquement, puis un temps de débarquement, où il fallait être à l'heure, parce que sinon on loupait la cérémonie, et voilà, donc c'est tout ça que l'on essaye de faire. Et l'idée moteur, c'est qu'à la fin de la cérémonie, l'assemblée, le public puisse dire « Ah, ça, c'était super !» et qu'ils repartent avec un sourire, alors que logiquement, un enterrement, on est plutôt triste. Mais quand on arrive à faire ça, on est plutôt content. Voilà. En revanche, ce qui est nouveau, effectivement, c'est la prise de parole personnalisée, après décès pour des gens qui sont des anonymes. Alors, ça démarre au 19e siècle, en fait. Ça démarre, me semble-t-il, la prise de parole a lieu non pas à l'église, la plupart des gens sont enterrés à l'église au 19e siècle, ça a lieu au cimetière. Dans ces nouveaux cimetières transférés en périphérie d'agglomérations, dans lesquels se développent les concessions funéraires, les tombeaux, de plus en plus il y a des cortèges, qui sont des cortèges publics, qui vont de l'église au cimetière, et quand on arrive au cimetière, on parle sur les tombes. Et là, il y a une sorte de double parole, il y a la parole liturgique dans les églises, qui est très peu personnalisée, et même pas du tout. On célèbre la mort du chrétien, on ne donne même pas le nom dans l'ancienne liturgie latine du défunt. Ça peut encore se voir hein, quand on va dans les églises traditionnalistes ou intégristes aujourd'hui qui sont restées calées sur l'ancienne liturgie des funérailles d'avant le Concile Vatican II en 1962. À un enterrement, on ne vous donne pas le nom du défunt. On parle du défunt, du chrétien qui vient de mourir. Et en revanche, du coup, on se rattrape au 19e siècle. Au cimetière, où là, on peut parler du défunt, hein, et vous avez facilement, pour des notabilités, une quinzaine de discours. Hein. Alors, la nouveauté maintenant, c'est que l'Église catholique est confrontée de plus en plus, et les églises d'une manière générale, les groupes religieux, à une demande de parole personnalisée, y compris dans la liturgie. C'est un vrai problème pour tous ceux qui s'occupent de ces questions, les équipes de laïcs qui, dans les paroisses, enterrent les Français catholiques, parce que les gens arrivent en disant « j'aimerais qu'on parle de mon grand-père ou de ma grand-mère, qu'on raconte ceci ou cela », et le clergé doit trouver une sorte de compromis entre les exigences de la liturgie qui est assez dépersonnalisante, ou en tout cas impersonnelle, et la demande de personnalisation, et de plus en plus dans les enterrements, qu'ils soient religieux ou laïques, on ne parle que du défunt, d'une certaine façon. Généralement, ce qui agaçait un peu le clergé du 19e siècle devant ses prises de parole au cimetière, c'est qu'on disait beaucoup de bien de ces défunts, peut-être trop, lors même que le défunt en question allait être jugé, et seul Dieu savait ce qu'il en était, et on trouvait qu'on les canonisait un peu rapidement, ça agaçait un peu le clergé aussi. Avant de créer votre société, Franck Vasseur, vous travaillez dans une autre entreprise de pompes funèbres ? Pas du tout, pas du tout. Donc c'est une reconversion professionnelle. J'étais commercial. Je vendais des logiciels à l'international, au Moyen-Orient et en Asie. Donc, moi, j'ai voulu un petit peu trouver une reconversion professionnelle qui trouve un sens. Donc l'idée des pompes funèbres, ça a été déjà dans un premier temps, j'avais eu un... lorsque je faisais mes études, c'était un sujet qui me tenait à cœur, dans lequel j'avais fait toutes mes études de cas, mes stages de fin d'études, tout ça, c'était dans le funéraire, parce que je trouvais que c'était un milieu où il y avait énormément de choses à faire et que c'était un milieu un peu poussiéreux, entre guillemets, sans être péjoratif, mais qui je trouvais un petit peu poussiéreux, où il y avait plein de choses à faire, plein de choses à découvrir, à réinventer. Et bon, les aléas de la vie ont fait que je me suis pas orienté dans cette carrière au départ. Après 10 années en tant que salarié dans des sociétés genre nord-américaine, où on nous pressurise, il y a la culture du résultat à court terme, au trimestre, où il faut rendre des résultats, voulu retrouver un peu un sens à notre travail. J'ai eu l'opportunité de reprendre la société L'Autre Rive, qui avait été créée en 2001, et moi je l'ai reprise en 2010. Donc j'ai fait une reprise d'entreprise avec l'idée de pouvoir développer cette société qui s'appelait déjà L'Autre Rive, de pouvoir la rendre plus accessible à le plus de personnes possible, puisqu'au départ c'était vraiment une originalité. On était un peu considéré comme une ovni, une prestation de service de bobo parisien, pour vous faire le schéma. Donc des obsèques atypiques, on a une deux chevaux qui tire une remorque. Donc en tant que corbillard, donc c'est homologué par la préfecture de police, donc c'est un véhicule officiel pour faire des obsèques. Donc on a tout de suite été connoté atypique, farfelu, tout ce que vous voulez. Donc les médias ont beaucoup parlé de nous au départ par rapport à ça. On a été les premiers à disperser des cendres sur la Lune, sur orbite. Plutôt que d'avoir des obsèques manquant de fioritures, j'aimerais mieux tout qu'on te fait passer de sépulture. J'aimerais mieux mourir dans l'eau, dans le feu, n'importe où. Et même à la grande rigueur, ne pas mourir du tout. Oh, que renaisse le temps des morts bouffis d'orgueil, l'époque des matus vus dans mon joli cercueil. Ou quitte à tout dépenser jusqu'au dernier écu, les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, corbillards, corbillards, corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabres. Donc le cimetière de Montmartre est ouvert en 1925. Il fait environ 11 hectares. Entre 22 000 et 22 500 sépultures. Pour gérer nos sites, donc qui sont Montmartre, Batignolles, Saint-Vincent et le Calvaire, donc nous sommes une équipe d'une quarantaine d'agents répartis en 4 corps de métier qui sont les personnels administratifs, les personnels de la surveillance, les personnels d'entretien général et une équipe de fossoyage. Un cercueil pour une inhumation, quand il arrive dans un cimetière, il a obligatoirement une plaque d'identification et 4 poignées. Et vous assistez vous aussi aux enterrements ? Alors non. Moi je viens en amont en fait pour rendre digne le lieu en fait de l'inhumation. Ensuite, je repars parce que je n'ai pas ma place à passer autour des agents de surveillance notamment et aux fossoyeurs de travailler sur l'inhumation. Il y a un véritable circuit en fait qui se crée quand on travaille. Donc on travaille tous ensemble. C'est un cimetière qui est à taille humaine, contrairement peut-être au Père-Lachaise qui avec ses 40 hectares et un cimetière absolument immense. Et ce qui ressort, à mon sens, de ce cimetière, c'est un sentiment de quiétude et le fait, à un moment donné, de ne plus avoir l'impression d'être en ville. Plus on va avancer dans le site, moins vous allez entendre le bruit des voitures, moins vous allez entendre le bruit de la ville. Et plus ben, vous allez peut-être entrer dans une période voilà, de beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, qui parfois peuvent amener un peu à la nostalgie, le recueillement, enfin, ce pourquoi les cimetières sont faits en fait, alors que l'on est en plein centre de Paris. Ryoko Sekiguchi, en vivant en France depuis 21 ans, vous devez bien percevoir les différences entre les Français et les Japonais dans les attitudes vis-à-vis de la mort. Vous pouvez nous faire un tableau comparatif ? Oui, alors je pense que cette différence de sur la vision surtout de la mort des Français et des Japonais, je me suis rendu compte finalement quand j'étais en Italie, parce que pour bien pouvoir faire la comparaison, il faut toujours avoir le troisième pilier. Bien sûr, je savais que les Français prenaient plus de distance avec la mort que les Japonais, mais justement en étant en Italie et que qu'en travaillant sur ces momies, sur ces corps et le rapport avec les morts chez les Italiens, que je me suis rendu compte que cette distance que les Français ont par rapport à la mort n'est pas forcément commun en Europe. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main du diable qui a tissé le ciel de ce beau matin-là, lui plantant dans le cœur un morceau de soleil qui se brise sur l'eau en mille éclats vermeils? Est-ce la main de Dieu, est-ce la main du diable qui a mis sur la mer cet étrange voilier qui, pareil au serpent, semble se déplier noir et blanc sur l'eau bleue que le vent fait danser? Est-ce Dieu, est-ce diable ou les deux à la fois qui un jour s'unissent en fait ce matin-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre? Vraiment, je ne sais pas. Mais pour tant de beauté, merci et chapeau bas. Ryoko Sekiguchi, vous êtes née en 1970 au Japon. Vous avez été pensionnaire à la Villa Médicis. Avec quel projet? Alors, avec le projet sur les momies en Italie, parce que en fait, la France avait aussi beaucoup de momies en 19e siècle. Ils ont rejeté, ils ont détruit les momies, alors que en Italie, on a gardé les momies. Et donc, voilà, je voulais travailler sur cette question du corps qui reste. Un cadavre momifié, Ryoko Sekiguchi, ça ressemble à quoi par rapport à un cadavre non momifié? J'ai du mal à dire appeler un cadavre. En fait, une momie n'est pas un cadavre. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est un corps qui est en train de... Un corps de faire son deuxième voyage. L'âme a disparu, mais le corps reste. En fait, chacun a son corps différent selon... C'est comme le corps d'un être vivant, c'est-à-dire que si vous habitez dans le sud, vous êtes plus exposé au soleil, et donc votre peau est plus peut-être dure, plus bronzée, ou bien si vous restez tout le temps à la maison, votre peau est plus souple. Il y a, selon la façon, disons, dont il a été momifié, ou bien dont il a eu la transformation, disons, naturelle, le corps peut prendre, par exemple, l'allure d'une feuille de papier fragile, ou bien comme de la cire, ou bien comme l'écorce d'un arbre, ou encore la peau qui semble presque intacte, ou bien diaphane, quasi transparent. Donc c'est... En fait, je me souviens presque de tous les corps, comme je me souviens des gens qu'on a rencontrés. Donc si on me, par exemple, me montre la photo d'une momie que j'ai rencontrée, je pense que je pourrais dire où et comment j'ai rencontré ces momies. Au moment où je vous parle, des chars chargés de fleurs débouchent de la rue Royale et pénètrent sur la place de la Concorde. Sur la gauche, la Seine, ce fleuve que Léon Blum a tant aimé, qui coulait au pied de sa maison dans l'île Saint-Louis, et le palais de l'Assemblée, qui avec le populaire fut presque toute sa vie. Des drapeaux officiels flottent sur le palais Bourbon, sur le ministère de la Marine, dans la rue Cambon. Ils ne sont pas à la taille de ce décor, de ce dimanche, ni de cette mort. Et ils paraissent étrangement petits sur cette foule qui débouche, et dont le flot tranquille s'apprête à submerger la place aux barrières blanches. Bien sûr que cette idée du tabou de la mort, du tabou contemporain de la mort, elle n'est pas fictive. C'est-à-dire que de fait, notre culture, la dimension funéraire de notre culture est beaucoup moins riche et beaucoup moins présente qu'elle ne l'était encore dans les années 50. Il y a qu'à regarder au cinéma les cortèges funèbres des années 50. Pour autant, c'est une question inéliminable qui ne cesse pas de faire retour, soit sous des formes explicites, soit sous des formes implicites. Donc le travail de la mort et des morts dans la culture me paraît continuer à être, selon la formule de Thomas Laker, c'est clairement, effectivement, un élément important. Mais après, où on en est exactement, ça dépend évidemment des milieux, ça dépend des âges aussi, hein, je pense que c'est une question fondamentale. C'est un peu une question du crépuscule, surtout dans les sociétés contemporaines. Le régime démographique est tel qu'en gros, avant 60 ou 65 ans, vous pouvez ne pas trop vous préoccuper du problème. Et en un sens, si la mort est peut-être un tabou naturel, hein, Pascal déjà disait au XVIIe siècle, alors qu'il y avait une mortalité fracassante, qu'on pouvait pas la rater, Pascal disait déjà, les gens ne veulent pas y penser. Donc c'est un tabou naturel, mais c'est un tabou qui a été renforcé en quelque sorte, à mon avis, par les tendances contemporaines de la culture et par la question de la démographie. J'aime beaucoup cette formule de Pierre Chenu qui disait « L'histoire des attitudes devant la mort est une dérivée de l'espérance de vie ». Ça, je crois que c'est une grande vérité que les études contemporaines sur le sujet ont un peu perdu de vue. C'est-à-dire, Guillaume Cuchet ? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a une première chose, c'est ce que les démographes appellent la rectangularisation de la courbe de survie. C'est-à-dire le fait que désormais, les générations, comme il n'y a plus de mortalité infanto-juvénile, que fort heureusement, dans nos pays, il n'y a plus de guerre. La dernière guerre un peu sérieuse en France s'est terminée en 1962 avec la guerre d'Algérie. Donc, pas de mortalité infanto-juvénile, pas de guerre meurtrière, pas ou peu d'épidémies. Donc, ça veut dire que une génération, désormais, arrive quasiment au complet à 65 ans et qu'elle s'élimine après 65 ans. Du coup, ça change tout dans le rapport à la mort, parce que en amont, avant 65 ans, vous pouvez ne pas y penser, d'une certaine façon. Et nos contemporains sont dans l'idée, au fond, qu'ils ont un droit à la vie jusqu'à 80 ans. Et d'ailleurs, 50% maintenant d'une génération s'élimine après 80 ans, ce qui est un phénomène complètement nouveau démographiquement. Donc, en amont, un véritable sentiment d'immortalité, vous pouvez ne pas y penser. Et puis, en aval, et c'est à ce à quoi on va assister maintenant avec la génération des baby-boomers qui, dans la pyramide des âges, sont quasiment au complet. Vous avez ce rectangle spectaculaire de gens qui sont nés entre 1945 et 1965. Et en aval, donc, tous ces gens vont devoir mourir ensemble. En plus, ils sont très nombreux, parce qu'ils sont 200 000 de plus par rapport à la natalité des années 30. Ils sont 800 000, en gros, par génération. Et ils vont tous partir ensemble, en bloc. Là, ils ont commencé, d'ailleurs, parce que les plus âgés ont 70 ans, 75 ans. Ça va être un sacré problème. Ça va faire sauter les comptes de la sécurité sociale, parce qu'on coûte à peu près la moitié de ce qu'on lui coûte dans la dernière année de sa vie. Donc, ils vont faire péter la caisse en partant, d'une part. Ça va être un élément très mobilisateur pour le monde du funéraire, les paroisses qui vont devoir enterrer tous ces gens qui, pour une part encore, vont être enterrés religieusement. Voilà. Donc là, il y a un événement majeur. Ça, c'est la rectangularisation de la courbe de survie, et c'est des phénomènes qui sont un peu perdus de vue, qui, à mon avis, sont très importants dans le rapport à la mort, parce que vous êtes très safe en amont, et en revanche, ça va être très anxiogène en aval, parce que il faut que la génération, si elle s'élimine pas progressivement, elle s'élimine d'un bloc. Est-ce qu'il y a des pratiques que vous voyez apparaître inédites ? Est-ce qu'il y a des... Dans le cimetière ? Oui. Inédites depuis que j'y suis, je dirais non. Par contre, une évolution, oui, des pratiques et de la vie dans les cimetières, oui. Les cimetières sont de plus en plus dans l'air du temps, on est dans l'écologie. Donc oui, il y a vraiment un changement de pratique sur la tenue des cimetières, sur la pensée aussi, qu'est-ce qu'un cimetière ? Et pourquoi il est là ? Est-ce qu'il est là que pour les défunts ou pour d'autres choses ? Donc oui, ça change petit à petit. Et pour d'autres choses, vous pensez à quoi ? Est-ce qu'il est là pour d'autres choses ? Ce serait quoi ? Alors, on peut penser également pour le Père Lachaise et pour le cimetière de Montmartre, on peut penser au tourisme, par exemple, qui est quand même assez important. Je pense que ça aussi, ça modifie pas mal de choses. Dans l'église Saint-Philippe du Roule, sous un monceau de fleurs, repose le corps de Rému. Sur la place, inondée d'un soleil lumineux et chaud comme l'accent de César, une foule considérable attendait. Foule animée d'une impatiente curiosité que son désir de voir poussait à une violence quelque peu choquante. A man lost in time, near Cardiff, just walking the dead. Nos contemporains ont un rapport à l'indice qui est presque un pronostic sur leur date de départ. Alors ça change tout parce que autrefois le problème était la mortalité extraordinaire. Maintenant, on est dans une société de vieux, une société vieillissante, et c'est plus dur de mourir quand on est vieux que quand on est jeune. Très important ça. Hein. Les jeunes redoutent moins la mort que les vieux. Nos contemporains sont très conscients du fait que la vie se prolonge, mais qu'il y a à la fin une espèce de zone grise très médiocre dont on se passerait volontiers, qui va être une vie un peu amoindrie, et qu'ils redoutent d'autant plus qu'ils la voient très concrètement avec leurs parents, généralement, et qu'ils accompagnent leurs propres parents dans cette dernière phase terminale. Donc, les angoisses contemporaines sont très différentes des angoisses du passé. Il y a des éléments de continuité, mais il y a des éléments très nouveaux et qui me paraissent très liés à cette question de l'allongement de la durée de la vie, de la rectangularisation de la courbe de survie et de la disparition de la mortalité extraordinaire. Quasi-disparition, dans les médias encore, j'écoutais cet été la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui signalait que, comme les enfants, comme les parents ne faisaient plus vacciner leurs enfants contre la rougeole, il y avait eu 3 morts dans l'été. Mais on en est à signaler des épidémies à 3 morts, vous voyez. C'est-à-dire que c'est presque de l'indécence par rapport à ce qu'était le monde d'hier. On signale comme des problèmes ce qui est des événements microscopiques sur le plan démographique, précisément parce qu'il n'y a plus de mortalité extraordinaire. On considère souvent à tort que les cimetières du Père-Lachaise, de Montmartre, sont devenus des musées, alors que nous sommes toujours dans un lieu où il y a des opérations funéraires au quotidien, des inhumations au quotidien, et parfois le groupe de touristes ne comprend pas qu'ils puissent ne pas se comporter comme n'importe quel touriste, à prendre des photos de partout, parfois à s'exprimer un petit peu fort, alors qu'ils peuvent être à 10 ou 15 mètres d'un lieu d'une inhumation. Vous parliez des nouveaux phénomènes que l'on peut voir. On s'est rendu compte depuis quelques mois, depuis un peu plus d'un an, des jeux de cachot, de chasse au trésor qui peuvent passer par nos sites, qui sont un petit peu dérangeants dans le sens où les gens arrivent par paquet de 20, ils se mettent à courir dans le cimetière pour chercher des indices, pour je ne sais trop quoi. On essaye de leur faire comprendre qu'ils sont dans un cimetière, qui est toujours en activité. Quel est, Guillaume Cuchet, le premier signe que l'on ait retrouvé du culte des morts? La première pierre ou la première petite construction? Alors ça, il faudrait demander à mes collègues archéologues du funéraire et préhistoriens, parce que ça change un peu tous les 15 jours. C'est-à-dire qu'à mesure qu'ils font des découvertes, la date recule. Tout le problème, c'est que la pensée de la mort, on ne peut la détecter que sur trace. C'est des traces qui sont toujours difficiles à interpréter. On a des dépôts funéraires, on ne sait pas très bien s'ils sont intentionnels ou accidentels, si on retrouve des cadavres qui ont été déposés là et conservés un peu mystérieusement. Et quand bien même ce sont des dépôts funéraires intentionnels, les plus anciens, aujourd'hui, on les date de moins 100 000, moins 120 000. Il y a un dépôt funéraire qu'on date de moins 120 000 en Israël, qui a été découvert il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, au-delà, je dirais, la pensée préexiste au dépôt funéraire, donc vous ne savez pas de combien de temps elle lui préexiste, donc c'est pas parce que vous avez un dépôt de moins 120 000 que la pensée de la mort, elle, ne date pas de moins 140 ou de moins 160, voilà. Bon. Donc à mesure que les découvertes progressent, on a tendance à faire reculer un peu l'apparition de ce premier geste funéraire. Ça remonte loin dans le temps, mais enfin l'origine nous échappe en grande partie. Ding dong, the witch is dead. the wicked witch. Ding dong, the wicked witch is dead. Wake up, you sleepy heads. Rub your eyes, get out of bed. Ding dong, the wicked witch is dead. She's gone. Depuis le Moyen Âge, le cimetière chrétien, c'est une terre consacrée, une terre sacrée, où se font enterrer les paroissiens, les chrétiens, et où se font enterrer uniquement les bons chrétiens qui ont reçu les saints sacrements. Avec la Révolution française, déchristianisation. Et à partir de 1791, le cimetière devient une terre commune pour l'enterrement de tous les citoyens, quelle que soit leur confession, leur religion, ou leur absence de religion. Et le cimetière devient la propriété de la commune. Et puis, troisième étape la plus importante, c'est le décret du 23 Prairial en 12. Donc c'est en 1804, c'est une des grandes masses de granit de Napoléon Ier qui donne naissance finalement au cimetière contemporain tel qu'on l'observe aujourd'hui et dont on pourrait avoir l'impression qu'il existe depuis toujours, mais en fait c'est une invention du début du 19e siècle et qui va donner naissance à ces cimetières qui doivent être d'abord à l'extérieur des villes pour des raisons essentiellement d'hygiène, de salubrité publique. Donc on va séparer assez nettement le domaine des morts du monde des vivants. Et puis, on est aussi dans un individualisme montant, avec les droits de l'homme, qui sont les droits des individus. Et donc, désormais, chaque citoyen a le droit à une tombe individuelle, qui va être juxtaposée les unes à côté des autres, et non pas surimposée les unes au-dessus des autres. Donc, ça explique que les cimetières vont prendre aussi de l'importance dans l'espace, vont devenir de plus en plus grands. Ah, écoutez, madame, je pense que le rite funéraire est la marque de toute civilisation. Robert Sabatier, 6 mars 1975. M. Thomas, qui est à mes côtés, nous a passionné à maintes reprises avec les rites funéraires de l'Afrique, ces sociétés à accumulation d'hommes, comme il vous le dira, et c'est pour moi quelque chose de fort important, une croyance, si vous le voulez, à laquelle je suis fort attaché, à savoir que le rite funéraire marque la civilisation qu'il porte. Eh bien, une civilisation d'automobile et de supersonique a des rites funéraires différent d'une civilisation de lampe à pétrole. Je dois le dire, non pas que je sois un fervent de la civilisation de nos jours, mes amis connaissent mes tendances assez traditionnalistes, mais on ne peut pas fermer les yeux entièrement. Stéphanie Sauger, vous êtes historienne et vous travaillez sur l'imaginaire des lieux au 19e siècle. Oui, c'est ça. Vous avez travaillé sur les gares et les cimetières. Les tombes, la façon dont les gens au 19e siècle imaginaient leur dernière demeure. Depuis quand, Stéphanie Sauger, faut-il payer pour acheter une concession ? Les premières concessions à perpétuité apparaissent dans le cimetière du Père-Lachaise, donc à partir de 1804-1805. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on paye. Cet argent revient en partie à la ville pour permettre les inhumations des indigents, en partie aussi à l'assistance publique, aux hôpitaux, donc vient nourrir en quelque sorte les subventions pour les droits des indigents et des pauvres. Voilà, donc c'est tout début du 19e siècle. Les concessions à perpétuité, c'est assez étonnant en fait. Hein. C'est possible en terre chrétienne et dans le droit canon, on l'admet, mais à condition de bien considérer que la concession perpétuelle, c'est un type de propriété un peu particulier. Et en fait, c'est toujours des concessions, c'est-à-dire que c'est le droit d'usage qui peut être consenti à perpétuité, mais... c'est pas une propriété de même nature qu'une pleine propriété, on va dire. Et les concessions perpétuelles sont considérées comme véritablement perpétuelles tout au long du 19e siècle, jusqu'à ce qu'elles deviennent très problématiques dans le troisième quart du 19e siècle, et puis qu'on les rende relatives. essentiellement après la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a énormément de morts pour la France et pas seulement pour la France. Et donc, on va les rendre relatives dans des lois qui datent des années 1920 et qui vont permettre aux municipalités, aux maires, puisque ce sont les cimetières appartiennent aux mairies, de pouvoir récupérer éventuellement des concessions abandonnées, mais les modalités de reprise sont très compliquées. Le cimetière est plein. Comme tous les cimetières parisiens intramuros, on a un souci de place, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de la fin du 19e siècle. Concernant le cimetière de Montmartre, on va libérer entre 50 et 60 terrains par an, à peu près. Grâce aux exhumations. Absolument, grâce aux exhumations administratives, où l'on reprend les sépultures abandonnées. Avec sa foule des quatre saisons, chasse de béton dans les faubourgs du désespoir. Elle meurt, sa mort. Qu'est-ce que c'est, Guillaume Cuchet, la transition funéraire, les transitions funéraires? Alors c'est effectivement un des sujets d'interrogation des études contemporaines sur les attitudes devant la mort, c'est-à-dire, c'est une expression qu'on l'on doit à un historien qui s'appelle Régis Bertrand, qui désigne ces moments où dans l'histoire des systèmes funéraires, il y a des périodes de changement, on change de système, et nous sommes probablement en train nous-mêmes de vivre un système, une période de genre, une transition de ce genre, qui a dû démarrer dans les années 60, et dont la manifestation la plus spectaculaire est le développement de la crémation, puisque la crémation a disparu d'Occident au 2e, 3e siècle de notre ère, sans qu'on sache très bien pourquoi d'ailleurs, avant même la christianisation de l'Empire. Elle est donc revenue très récemment, puisque en gros, elle est légale en France depuis 1887, mais personne n'y a recours avant les années 1970-1980. Elle est autorisée aux catholiques que depuis 1963. Alors l'interprétation de savoir pourquoi on change et qu'est-ce que ça signifie, il y a à la fois les motifs conscients des gens, donc on s'interroge beaucoup là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on vit nous-mêmes une période de transition et que du coup, ça nous permet de réfléchir aux précédentes, notamment à la fin du 18e, début du 19e siècle, quand le cimetière classique qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire ce cimetière de périphérie d'agglomération, avec des tombes, des concessions, s'est mis en place. Il n'existait pas sous l'Ancien Régime. Il est né entre 1770 et 1840, en gros. Hein. Stéphanie Sauger, la crémation se développe à partir de quand? Alors, c'est un retour de la crémation. Il y a effectivement dans l'antiquité des pratiques de la crémation. Il y en a quand même moins, voire plus du tout, pendant les périodes, la période qui va du Moyen-Âge jusqu'à la nouvelle autorisation de la crémation à la fin du 19e siècle. Parce que l'Église les condamne? L'Église va avoir un rapport assez compliqué à la crémation, sans l'interdire ou totalement excommunier le croyant. Disons qu'elle elle invite à quand même préférer l'inhumation. Même si la question du démembrement pose absolument pas de problème. On peut penser à Saint-Louis, le cœur d'un côté, la tête de l'autre, et les reliques se promenant. C'est pas un problème, cette question-là. Mais voilà, disons que l'Église va tout de même pas faciliter la crémation. La Révolution française va l'utiliser, mais il n'y a pas de législation qui apparaît à ce moment-là. Il y a quelques incinérations, mais plutôt rares, plutôt marginales. Il y en a quelques-unes qui ont lieu au moment de mort de masse, hein, pour des raisons d'hygiène et de salubrité publique. Mais la crémation telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire encadrée avec une crémation individuelle qui passe par un four crématoire, ça c'est fin du 19e siècle et en France, le tout premier crématorium à être ouvert, c'est celui du Père Lachaise en 1889, avec au départ très peu de crémation, enfin plus exactement très peu de crémation volontaire. C'est-à-dire que l'appareil crématoire va surtout servir à se débarrasser des corps d'amphithéâtre, ce qu'on appelle des débris anatomiques. Va servir également aussi au fœtus. Donc à toute une série de corps dont on ne sait pas très bien quoi faire. Les débris anatomiques, ce sont les débris. Ce qu'on appelle les débris anatomiques, ça peut être soit des corps entiers, soit des morceaux de corps, tous les corps qui sont passés par les amphithéâtres de dissection. Et puis les débris anatomiques, ce sont aussi les restes des corps, puisque ce qui va dans les ossuaires, c'est normalement l'os parfaitement blanc. S'il reste des chairs, s'il y a une décomposition à opérer, on peut soit la laisser dans une boîte, où la suite du processus de décomposition va s'opérer, soit si la personne ne s'est pas opposée à la crémation, eh bien incinérer les restes. Et l'incinération, Stéphanie Sauger, d'après vous, en ce moment, maintenant, à la fin des années 2010, d'après les études, les indicateurs actuels, on est dans une société française qui est en retard par rapport à d'autres sociétés européennes. On est autour de 37% de crémation aujourd'hui. Et d'ici 2050, ça devrait être 50% de crémation. Ce qui va forcément avoir un impact sur le paysage des cimetières. Puisque même si vous pouvez déposer l'urne cinéraire dans un caveau, vous pouvez inhumer votre urne cinéraire, vous pouvez la déposer sur votre caveau, vous pouvez aussi la disperser sur dans le jardin du souvenir, vous pouvez la garder dans les niches, les casiers d'un colombarium. Tout ça, ça se passe dans le cimetière, mais enfin, il y a quand même aussi la possibilité, laissée ouverte par la loi de 2008, de disperser les cendres dans ce que la loi appelle la pleine nature. Et donc, je croyais que c'était interdit. Ce qui est interdit, c'est de conserver une partie des cendres. Alors, chez soi. On n'a pas le droit de garder une urne pleine chez soi, parce que ça peut créer des conflits au sein des héritiers. Mais en revanche, il y a une véritable poussée commerciale pour proposer aux survivants une utilisation de ces cendres. Pour revenir sur les exhumations, on a un rôle qui est très important à jouer. Voilà. Après, c'est pas parce qu'on exhume que les défunts sont dispersés et maltraités. Voilà. C'est toujours fait dans le plus grand respect du défunt. Ils sont mis dans des petits reliquaires et après ils sont réinhumés à l'ossuaire de Thiers. Voilà. Ça c'est très important de le préciser parce que parfois ça peut faire peur quand on parle d'exhumation comme ça. Nous savons tous les deux les terres. Obscur le froid et puis l'enfer. Être inhumé dans un cimetière parisien, il faut avoir été parisien, résident parisien. Et je pourrais même dire que pour être enterré dans un cimetière comme celui-là, il faut être presque au 19e siècle, être mort presque chez soi. Parce que ceux qui sont morts dans la rue et dont on ne connaît pas l'identité vont connaître un autre parcours. Ceux qui étaient en prison ne vont pas se retrouver dans les cimetières tels que nous les connaissons là. Ceux qui étaient dans des communautés religieuses peuvent, mais pas systématiquement, se retrouver dans ces cimetières-là. Donc ces cimetières municipaux, ce sont vraiment pour les habitants de Paris. Et ensuite, on a, un peu comme pour les écoles, une sectorisation. C'est-à-dire, c'est en fonction du lieu d'habitation, du lieu de résidence, de l'arrondissement de résidence, qu'on a le droit d'avoir une place dans ce cimetière. Encore faut-il qu'il y ait de la place. Et on revient à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les cimetières, parisiens en particulier, ont de moins en moins d'espace. Pensez souvent à votre propre mort, Ryoko Sekiguchi ? Non, pas du tout. En fait, curieusement, l'idée de la mort, de ma mort, ne m'a jamais fait peur. J'ai surtout peur de la mort des autres, enfin de mes proches, des gens que j'aime, parce que... je pense aussi parce que je suis à l'étranger et que je suis japonaise, c'est-à-dire que on ne sait pas ce qui est arrivé il y a donc 7 ans avec le tsunami, avec le séisme, n'arrive pas à Tokyo. Si on sait que ça arrive, et donc j'ai toujours cette hantise d'être laissée toute seule. Il m'arrive de temps en temps de marcher dans les rues de Paris et que de me dire, mais heureusement que cette terre ne tremble pas. C'est incroyable. Je ne sais pas si les Français sentaient ça, mais c'est un sentiment de sécurité, mais incroyable. C'était Enterrer ses morts au cimetière, un documentaire de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Elle se dit notre amie, doudou c'est la vie. Quand elle joue à nous unir. Avec Guillaume Cuchet, historien, l'équipe du cimetière Montmartre, Pascal Cassandro, Loïc Bianco et Déborah Primo, Franck Vasseur, directeur de pompes funèbres, Ryoko Sekiguchi, écrivain, et Stéphanie Saugé, historienne. Elle est ce qu'on est. Elle nous défait. Prise de son Fabien Gosset. Recherche INA Marie Chauveau. Mixage Claude Nior. Elle nous refait. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, liens ou pour nous réécouter au Père Lachaise, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, 3e épisode, ouvrir les testaments. Et pendant une semaine, avec Tank, notre partenaire, allez creuser encore les histoires d'amitié de la semaine dernière et regarder Vivant, le film de Vincent Boujon. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission.